Wesh ma gueule, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais tranquille, je viens de faire une dinguerie là sur du MDLG. Non, sérieux? Ah vas-y viens, Dika frangin. Vas-y viens, viens, viens, fais-moi écouter. Je vais même te montrer carrément. Ah c'est clippé en plus. Ah ouais ok. Poignée de punchline en un serrage, t'en ressens mes émotions. C'est ce que les mots font, sur un coup de tête, ma plume se retrouve au front. On fait notre art sembler pendant que l'état tu le cultivais. Je veux voir ma vie en grand ouais, en majuscule tiffé. Je m'en suis finalement bien sorti quand je vois ton édifice. Je veux me nourrir de bien, alimenter mon épiphyse. Et devant la solidarité, je fais face à l'hypocrisie. Info qui t'a guidé, moi je le vis trop ici. Et quoi que tu fasses, ça va te salir même si c'est fort bien. Entre tempête et houle, le passé coule dans le morbillon. Malgré de peu de bouteilles, je m'écorche dans toute cette cave à peine. Mais je peux te promettre, je garderai le cap à part cette caravelle. Évite de béton la gamelle, donne sourire curcuma. Bifton lamelle et 10 épices, la nourriture du mal. Je suis pas cuistot ni pédagogue, mais y'a de la peine à bord. Eh fiston, tu bédaves trop, on sait qui pète ta drogue. Déficience mentale, négligence en tas. Sans blague, l'évidence entra dans l'existence rentable. Les finances en boîte, les finances en bad, elles font de la peine à vous. J'en ai trop vu, je me tire de là sans leur dire qu'il y en a vaut. Aïe aïe aïe aïe aïe, mon gars, c'est trop lourd. Ah merci, ça fait plaisir, frangin. C'est quoi, c'est à moitié mélancolique, c'est le côté triste, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, vas-y, dis câble de côté, maintenant. Mon côté sombre m'a fait voir clair qu'un deuil onique talope. J'ai bien rodave, seul, entouré de petites salopes. On traîne dans les rues graves, à l'heure où y'a plus l'tra. Mon speed grave, les bulles craquent quand je crame avec les ultras. Le soufre sature l'air, tu suis fuck et ça pue l'air. Bordeaux dans le cœur, je casse ma voix pour le scapulaire. Et vos petits génies là, dites-moi qui les cultive. Irréductible, nous notre savoir n'est pas tiré d'une bible. La prochaine sera piquante, c'est mon côté scolopendre. J'ai déjà ma team, je m'en tape les couilles que tout est protospendre. Non, je rigole pas, j'aime jouer les troubles faites, je crache pas à tort sur vos ganaches, même si vous me le faites. Fan par des rimes, même si dans le tractard je dérive, on tape du canap des riches. Donne-moi un camtard terrible. Bref, cogite, façon quoi que je dise, si voir les cris du mal, sur terre je me situe mal, je me sens jugé, tout comme au tribunal. Sous tes faux airs, je vois ton autre facette en partie lâche. Je vois des jokers qui se valent la face et ça sans maquillage. Je te sors des rimes riches et je t'arrange à des prinoses. Tu vas serrer, je viens marquer le coup avec mes échymoses. La prochaine sera piquante. Je me tire de là. J'aime jouer les troubles. La prochaine sera piquante. Je me tire de là. J'aime jouer les troubles faits. J'aime jouer. Je me tire de là sans leur dire qu'il y en a vaut.